Troisième partie, l'attaque du tigre. Aoun s'éveilla vers le tiers de la nuit. La lune était descendue derrière la jungle occidentale et sa lumière rougissait les vapeurs qui se condensaient sur les rainures. Une ténèbre cendreuse couvrait la lande. Près des sept bambous, le feu ne jetait plus qu'une lueur évanescente. D'abord, le guerrier ne vit que les végétations immobiles, mais son odorat l'avertissait d'une présence. Puis une ombre évolua. Elle se détachait auprès d'un îlot de palmiers. Elle approchait précautionneusement. Aoun savait, depuis qu'il avait ouvert l'œil, que c'était le tigre. Il le regardait venir avec anxiété et colère. Cette audace qui soufflait en lui comme un ouragan sur les eaux dilata sa poitrine. Quoiqu'il connût la supériorité du tigre sur l'homme, et malgré l'horreur secrète qui le pénétrait, il avait envie de combattre. Nao n'avait-il pas abattu l'ours gris et la tigresse? Lui-même n'avait-il pas tué le Machérodus, vainqueur du rhinocéros? Un vertige tournoya dans son crâne et se dissipa aussitôt. La prudence des ancêtres calma son sang. Il savait bien que ni Nao, ni Faoum, ni les velus n'eussent attaqué le tigre, sinon pour sauver leur vie. D'ailleurs, quelqu'un venait de s'éveiller, qui l'eût retenu. À son tour, le fils de la terre était averti de la présence formidable. Il considéra son compagnon qui avait soulevé sa massue. Il dit « Le tigre n'a point trouvé sa proie. » « S'il approche, dit l'autre d'une voix frémissante, Aoun lui jettera la sagaie et le harpon. » « Il est dangereux de blesser le tigre. Sa fureur est plus grande que celle du lion. » « Et s'il ne veut pas s'éloigner du refuge ?»« Aoun et Zou ont des provisions pour 2 jours. » « Nous n'avons pas d'eau. Pourquoi la tigresse ne viendrait-elle pas le rejoindre ?» Zour ne répondit pas. Il y avait déjà songé. Il savait que les fauves se relaient parfois pour épier une proie peu accessible. Ce n'est qu'après un moment d'incertitude qu'il répondit. Le tigre est seul depuis la fin du jour. La tigresse est peut-être loin de la lande. Aoun ne voyait pas assez clairement l'avenir pour insister. Son attention se condensait sur le tigre, qui était parvenu à 50 coudées des bambous. On voyait distinctement sa gueule trapue, bordée à l'arrière d'un poil dur. Les yeux luisaient plus fort que naguère. Aoun détestait étrangement leur lueur verte. Elle faisait trembler Zour. Par intervalles, un grondement se faisait entendre sur la lande. Le tigre vint plus près encore. Puis il se mit à rôder dans le long en large ou à faire le tour de l'abri, avec une patience épouvantable et exaspérante. On eût dit qu'il espérait que les interstices allaient s'élargir, ou les entrelacements de lianes et de bambous se détendre. Et les deux hommes, chaque fois qu'ils se rapprochaient, avaient une palpitation, comme si l'espérance du fauve allait se réaliser. Il finit par se tapir parmi des herbes sèches. De là, il épiait patiemment, ou bien il ouvrait ses mâchoires, et la lueur affaiblie du feu faisait reluire les crocs. « Il sera encore là au matin, » disait Aoun. Zour ne répondit pas. Il considérait 2 petites branches de térébinthe qu'il avait exposées au feu, car il aimait à avoir toujours du bois sec. Il fendut la plus mince dans toute sa longueur et rassembla des brindilles. « Zour ne va pas faire de feu, » s'exclama le fils de l'Urus avec réprobation. « Il n'y a pas de vent, la terre du refuge est nue. Les bambous sont jeunes, » remarqua Zour en frappant avec le silex la pierre de Marcassite. Nous n'en avons besoin que d'un petit feu. » Aoun n'insista point. Il regarda les flammèches s'élever sur les brindilles, tandis que son compagnon allumait le bout d'une baguette de térébinthe. Elle jeta bientôt une lueur vive. Alors, se penchant vers une des ouvertures, le fils de la terre lança ce brandon vers le tigre. La flamme décrivit une parabole et tomba parmi les herbes sèches. Elle était dans la partie la plus aride de la lande, où les vapeurs nocturnes ne s'étaient pas formées encore. Le tigre sursauta devant le projectile étincelant, qui disparut au milieu des plus hautes tiges. Aoun riait silencieusement. Zour, attentif, se demandait s'il faudrait allumer une nouvelle torche. On n'apercevait plus parmi les végétations qu'un scintillement rougeâtre. Le tigre s'était recouché. Après une hésitation, Zour alluma la seconde baguette de térébinthe. Le feu commençait à dévorer sa pointe, lorsque là-bas, un jet livide monta sur les herbes, puis traça une ligne brillante. Le fauve se releva avec un rauquement. Il allait s'élancer lorsque Zur lança le deuxième brandon. Il atteignit la bête au poitrail. Affolée, elle tourbillonna et bondit en zigzag. Le feu, avec un crépitement sec, parut galoper parmi les gramènes. Puis il se dissémina en gerbes et enveloppa le fauve. Alors, avec une plainte furieuse, le carnivore traversa les flammes et s'enfuit. « Il ne reviendra pas, » affirma Zur. « Aucune bête ne repasse dans l'endroit où elle a été brûlée. » La ruse de son compagnon ravissait Aoun. Son rire n'était plus silencieux. Il retentissait sur la lande comme un joyeux cri de guerre. « Zur est plus rusé que Goud aux eaux secs, » fit-il avec enthousiasme. Et sa main musculeuse se posait sur l'épaule du fils de la terre. Le tigre ne revint pas. Aoun et Zur dormirent jusqu'à l'aube. Une vapeur couvrait la lande et la jungle. Le silence et l'immobilité durèrent jusqu'au milieu de l'aurore. Puis les bêtes du jour frémirent. Une rumeur profonde monta du fleuve et des arbres innombrables. Le fils de l'Urus sortit du refuge, scruta l'étendue. Aucune émanation suspecte ne se décela et des axis passèrent, qui rassuraient l'homme davantage. Il retourna vers Zur et dit « Nous continuerons notre route, mais nous passerons d'abord vers l'Occident, afin de ne pas rencontrer le tigre. » Ils partirent avant la fin de l'aurore. Les vapeurs se déchiraient lentement et se perdaient dans un ciel pâle qui bleuissait à mesure. Les bêtes, d'abord rares, se multipliaient. Les guerriers conjecturèrent qu'ils avaient dépassé le domaine du tigre. Baoun aspirait l'air avec inquiétude. Une chaleur fiévreuse enveloppait les frondaisons. Les mouches à tête rouge harcelaient les deux hommes. Les lames de soleil, à travers les branches, mordaient dans la chair comme des termites. Les semnopithèques montraient des faces véhémentes. Les perroquets élevaient des voix sèches, stridentes et frénétiques. « Le tonnerre grondera sur la forêt, » dit le fils de la terre. Aoun s'arrêta pour considérer l'Occident. Une clairière commençait. On discernait une longue bande de firmament couleur de l'azulite et sans un seul nuage. Pourtant, les deux hommes sentaient ce trouble qui se propage dans l'étendue comme une crainte des choses. Cela dura longtemps. Aoun et Zur se rabattaient obliquement vers le fleuve, selon des lignes que déterminaient les variations des végétaux. Vers le milieu du jour, l'orage demeurait lointain encore. Ils ne firent pas de feu. Ils mangèrent sans plaisir une tranche de viande rôtie la veille et prirent un repos que troublait l'attaque des insectes. Quand ils se remirent en route, les premières vapeurs se montraient au couchant. Une couleur de lait se répandit dans le bleu, on entendait le rire inquiet des barazangs et la bramée des buffles. Des nadjas filaient dans les gramènes. Un instant, les guerriers hésitèrent à se remettre en route. Mais la halte n'était pas favorable. Des arbres millénaires élevaient des cimes trop hautes, la terre était spongieuse. Ils n'apercevaient aucun abri contre les météores, qui allait ravager les sylves. Par intervalles, la vie des fluides coulait sur les cimes avec un bruit de fleuve, ou bien s'élevait en spirale, qui écartait les feuillages. Des silences épais et lourds suivaient. Une muraille de vapeur croissait vers le zénith, fumée noire qui phosphorait à la bordure. Puis des lueurs furieuses et livides transpercèrent le pays des arbres. Comme elles naissaient très loin d'Aoun et de Zur, elles n'ajoutaient pas leur clameur au tumulte de la tempête. Quand la muraille couvrit le milieu du firmament et commença de descendre vers l'est, une terreur croissante avait tiré les êtres. On n'apercevait qu'une bête fugitive qui cherchait sa bauge, ou un insecte inquiet qui gagnait la fente d'une écorce. La vie des créatures était enveloppée d'une autre vie, la vie qui, répandue subtilement, crée et nourrit la sylve, mais qui déchaînée détruit l'arbre, l'herbe et l'animal. Les compagnons connaissaient ces fièvres féroces. Aoun ne songeait qu'au refuge. Zur levait de temps en temps la tête avec l'idée que des fauves monstrueux déferlaient parmi les nuages. Déjà, on percevait les rugissements. La distance les rendait graves, comme la voix des lions perdus derrière les collines. Puis ils rauquèrent, et les lueurs devenaient intolérables. Un bruit de source se répandit, qui devint une clameur de rapides et de torrents. La jungle s'ouvrit devant un lac précédé de mares. Aucun abri n'était visible dans la buée, et le tonnerre s'écroulait par intervalles. sous les arcades d'un banyan, où les deux hommes s'arrêtèrent, un léopard rampa. On entendit la plainte aiguë des semnopithèques. L'eau roula comme si un océan venait de rompre les digues du ciel. L'odeur de la foudre et des plantes passait avec les rafales. En une heure, le lac monta. Les mares s'emplirent. L'une d'elles déborda et commença d'envahir la forêt. Les nomades durent reculer. Mais d'autres eaux arrivaient dont le grondement se mêlait aux rumeurs de l'orage. Il leur fallut fuir au hasard, vers l'Orient. Les fluides farouches les harcelaient. À peine avait-il échappé au flot que d'autres survenaient à l'improviste. Aoun galopait comme un étalon et Zour suivait, incliné, levant à peine les pieds, selon la manière des hommes sans épaules. Quand ils eurent mis un intervalle entre eux et l'inondation, ils persévérèrent vers l'est, dans l'espoir de rencontrer le fleuve. Ils traversèrent des landes, filèrent parmi les bambous, les palmiers et les lianes. Un marécage débordé les força à obliquer vers le nord. L'orage s'apaisait. Des rafales hurlaient moins haut dans l'étendue. Ils finirent par atteindre une éclaircie où ruisselait un torrent formé par la pluie. Là, ils s'arrêtèrent, cherchant à se rendre compte de la profondeur des eaux. La foudre hacha un groupe d'ébéniers. À l'autre bord, un long coré perdu s'éleva en bonds énormes. Aoun et Zour reconnurent le tigre. Il tourbillonna pendant quelque temps dans l'épouvante. Puis, arrêté, il aperçut les bêtes verticales. L'instinct d'Aoun l'avertit que c'était celui qui avait rôdé autour du refuge. Zour en fut sûr lorsqu'il remarqua sur le poitrail un roussissement qui avait dû être produit par le feu des herbes. Plus vaguement, le tigre reconnut ses proies que rendaient singulières le feu, la barrière de lianes et l'incendie des herbes. Il les retrouvait au moment même où un autre feu venait de frapper les ébéniers. Ainsi, leurs images, s'associant à des choses redoutables, faisaient hésiter le fauve. Tous trois demeurèrent un temps immobiles. Une distance trop courte séparait les hommes et la bête pour que la fuite fût possible. Aoun avait déjà détaché son harpon. Et Zour, craignant que la retraite fût suivie de la poursuite, s'apprêtait aussi à combattre. Ce fut lui qui lança le premier son arme. Elle siffla au-dessus des eaux. Elle atteignit le fauve près de l'œil droit. Avec un rauquement immense, il prit son élan. Mais le sang troublait sa vue. Le bond n'eut pas cette précision terrible qui condamnait à mort toute proie prochaine. Le long corps roula dans le torrent, tournoya et s'accrocha en avant. Aoun s'était précipité. Le harpon frappa le poitrail, au défaut de l'épaule. Frénétique, la bête se hissa sur le bord et chargea les hommes. Elle boitait. Sa course était ralentie. Une seconde sagaie de Zour s'enfonça dans son flanc, tandis que le fils de l'Urus blessait la nuque. Puis la massue haute, ils attendirent. Aoun reçut l'attaque de face et abattit son arme sur le crâne, tandis que le Wa, se jetant sur les flancs, lisait les vertèbres. Une griffe déchira le torse de l'oulâmre, mais un mouvement oblique la fit glisser, et la massue craquant sur les narines arrêta une seconde le félin. Avant qu'il eût repris son élan, la massue d'Aoun résonna pour la troisième fois, d'une telle force que le tigre demeura immobile et comme endormi. Alors, sans relâche, les deux compagnons martelèrent les vertèbres et les pattes. L'énorme corps s'abattit. Avec des convulsions épouvantables, le fils de l'Urus ayant crevé l'œil gauche, le fauve fut à la merci des hommes. La pointe d'une sagaie lui ouvrit le cœur.